boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Swapping the ride, that's all what they want, ya. Will you take two robots and not a metric in the line? You get the likes, you get the followers. Nobody cares of your life, and I'm sure that you are ready to lose your mind. And if you had to, come and join us to the jungle. Ouais, c'est clair, ça attaque fort ce soir dans Pop and Rock et c'est grâce aux Angevins de Van der Waal. Vous avez mal à la tête? Oh oh, dommage, Van der Waal, eux, ils sont en forme. Oh oh, merci. Allez la voix off, courage. Something more electric, focus on all your spotlights. So are you living under? Make a quick break to club. You stupid, give me a cue. And you know what's getting when I turn my eyes on you. Cause you know you give me something that's typical. I'm blasting, messing around. And you know you love is so much relatable. So jump and let's go lost in town. We'll be right back. Vous avez aimé Vanderwall ? Pas de soucis, ils reviendront dans Pop'n Rock très prochainement, mais en attendant, que diriez-vous de retrouver le nouvel album de Albert Hammond Jr. qui calme le jeu avec son Fast Kitten, bien loin de ses Strokes. What's his problem? What's his name? I never thought I'd ask that. Are you back in outer space? Somewhere behind your eyelids. And now a place where we can go. He doesn't even have to know. Tell me more about this place. Soyons clairs, à la maison, les seules radios que j'écoute, c'est quoi ? France Info, France Inter, ouais, on a un peu des intellos, je sais la voix off, ne dis rien. J'écoute aussi bien sûr WeFM et bien sûr RVR. Je dois donc gratter pas mal pour programmer Pop'n Rock sur la très locale RVR, mais parfois, dans la voiture, j'écoute un truc qui retient toute mon oreille. La semaine passée, ce truc, c'était Émilie Zoé. Ouais, Émilie Zoé, avec un truc qui s'appelle le volcan. Vous connaissez ? Well, everyone is fighting for a drop of peace in air. world, I never should have said that. Every time I'd like to go, I'm running but I feel trapped. Well, everyone's fighting for a drop of peace in their glass. Von der Waal, Albert Hammond Jr. et Emily Zoé pour commencer notre 232e Pop and Rock. Comment dire ? Si vous découvrez Pop and Rock par ce numéro, vous allez vous demander où vous avez fourré vos oreilles. Allez, courage ! Dans notre heure musicale, il y aura bien un petit truc que vous connaissez, ou pas. Why wait until tomorrow? What you can do today? If you don't do it now, it will be too late. Why wait until tomorrow? What you can do today? If you don't do it now, you might lose it if you wait. Thank you. the empty road outside my window. Underneath the street lamp I saw you. In this quiet light there was no sorrow, just illuminated by the moon. Others are attracted by the sunlight. Me, I'm drawn to darkness and the shade. Why wait until tomorrow? What you can do today, if you don't do it now, it will be too late. Why wait until tomorrow? What you can do today. The sun brings, waiting for our nighttime rendezvous, making an appointment at the graveyard, surrounded by the beauty of each tomb. Others are attracted by the sunlight. Me, I'm drawn to darkness and the shade. Wait until tomorrow. What you can do today, if you don't do it now, it will be too late. Why wait until tomorrow? What you can do today. Bon, le programmateur, il me laisse pas beaucoup de place hein, dans les chansons. Juste pour vous dire que vous écoutez bien RVR avec Pop & Rock au 104.6. Et Pop & Rock, rappelez-vous, c'est tous les lundis, je crois, entre 17h et 18h. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine. Oh, attends, c'est pas fini. Il nous reste encore du JJ Johansson à écouter. it takes to relieve every ache and criticize my role. I don't like you. En 2008, au fin fond du sud des États-Unis, naissait Whiskey Myers. Quelques 2000 concerts plus tard, le rock gras truffé de guitare et emporté par la voix de Cody Cannon revient dans Pop & Rock. Just move. Rappelez-vous, la bande Acolyte, Whiskey Myers, était apparue dans Pop and Rock avec Overside. Et je trouve qu'en écoutant Whiskey Myers, il y a des petits relents de Monster Magnet. À moins que Monster Magnet ait des petits relents de Whiskey Myers. On ouvre le débat. Non, je plaisante. Allez, ce soir on n'a pas peur, pop and rock sur la trail locale. RVR reste dans le gros grain d'orge américain. Après les Whiskey Myers, voici qu'arrivent les fameux Monster Magnet. Présent, nouvelle le père en approche, vous aimez le Brian Johnston Massacre, les Warlocks, voire le répétitif des Liminianas, vous adorerez notre nouveau pote Matt Hollywood et ses Bad Feelings qui chantent Carl Sagan. Carl Sagan? Non, Peter Sagan! Putain, la voix off! Significant planet of a humdrum star, lost in a galaxy, tucked away in some forgotten corner of the universe, there was a man who said, for small creatures such as we, the only thing that makes the vastness bearable is love. Ah! there somewhere in the cosmos, listening, tuning into the signals from our tiny little world. Treasure your precious life and remember, we're like butterflies who flutter for a day and think it's forever. Comme tous les lundis entre 17h et 18h, vous écoutez Pop & Rock sur la très locale RVR et n'oubliez pas de nous retrouver également sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Et tout de suite, on fonce vers des revenants. Manchester Orchestra nous chante Pride. After all, it's you, my pride in me. can't speak whatever I can speak. You see, what a habit when I need to yell the sound. Les terres du rock sont vastes, les terres du rock sont riches, et pour Pop'n Rock, beaucoup de terres restent à défricher. Alors ce soir, on se promène encore en terra incognita. C'est clair que pour les deux derniers titres, on était vraiment en terre inconnue pour Pop'n Rock. Dans l'ordre d'apparition sur scène, on a écouté Rest of Us et à l'instant, c'était Updated Kaiser. Allez, Pop'n Rock, c'est tout pour ce soir. On ferme la boutique dans le cocon de nerf. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, bis à tous. Dans mon cocon, disparaissent les étoiles de mer. Dans mon cocon disparaissent les étoiles de mer. Jamais souffert de mon bordel. Je n'ai jamais... jamais souffert de mon bordel.